ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs ? Dis, quoi, même s'ils ne détiennent rien et sont dépourvus de raison ?